Fait que là, moi, ma curiosité, c'était justement, c'était de t'entendre comment qu'un gars avec les prises de conscience que tu as faites au fil du temps va se divertir. Ben, c'était pas grand-chose. Je faisais pousser des choses, puis je les regardais croître. Je les regardais croître à un moment donné, comme j'en ai. Ça a donné que j'en ai parlé un peu aujourd'hui. Je m'étais mis à faire pousser des mousses. Je m'étais mis à me prendre d'intérêt pour ça. Ben, les mousses, c'est quoi? Ben, comme de la mousse, là, comme quand tu marches en forêt, puis il y a de la mousse. Ah, ok. J'allais en forêt, je ramassais des échantillons, je les ramenais chez moi, puis je les avec un brumisateur. Puis j'enrichissais une petite assiette en terre cuite, je plaçais les mousses, puis tous les jours, je mettais de l'humidité. Mais c'est assez spécial, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'humidité. Le froid, l'humidité. Je ne sais pas pourquoi, là. Je suis plus confortable comme ça. Donc, j'étais porté beaucoup à aller dans des sous-bois. Puis simplement être là, à m'asseoir, puis observer. Au fond, c'est une forme un petit aspect contemplatif, c'est pour pas penser. Comme j'aime beaucoup les étangs, les marais. Comme quand j'avais ma maison, j'avais fait aplatir le terrain, sauf une partie. Parce qu'il y avait des marais. Puis je tenais à les garder. Puis il venait des canards, il venait des libellules, il y avait toute une faune, il y avait toute une flore. Puis je perds la notion du temps devant des choses comme ça. Heureusement qu'il y a le soleil qui se couche ou qui bouge ou que je réalise que. Parce que je perds la notion du temps. Dans le sens que tu te laisses absorber par l'environnement et la contemplation du marais avec les plantes et les animaux. Oui, c'est comme si ce que j'observe, j'étais plus là. Je suis dans l'observation.